Écoutez l'émission de Bouche à Oreille le 27 octobre entre 16h et 17h30. Vous aurez deux chances de plus de gagner. Bonsoir et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine entièrement dédié aux arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland, légèrement enrhumée, c'est pas la COVID, je vous le garantis. Au micro, accompagnée d'Annie Charland-Thibaudeau. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a ce soir à l'émission? Oui, donc ce soir à l'émission, on reçoit Michel Gagnon pour parler de son exposition « Avant d'être grutière ». C'est une exposition qui est présentée à la Galerie Lewis jusqu'au 30 octobre 2021. Ensuite, on reçoit Mine Guyenne qui nous fait une chronique sur l'exposition « Volets bas et autres nouvelles performances invisibles » de Steve Giasson, ce qui a été présenté au Centre Le Lieu pendant le mois d'octobre dernier. Et pour compléter, on s'entretient avec Isabelle Trépanier de la Galerie Espace Parenthèse à propos de l'exposition « Système joint, objet masse » de l'artiste Anne-Marie Groux. Oui, et pour la sélection audio que Simon Roy nous fait, comme à chaque émission, ce soir, on écoute un band d'Orlando en Floride. Ce sont deux frères et le band s'appelle Tonstarts Bandit, ou ça peut se prononcer aussi Tonstarts Bandhot. Donc, à votre guise, c'est un band psychédélique, rock, bruitiste. Donc, on se laisse déjà avec une première piste de l'album. L'album s'intitule Pétunia. C'est paru le 22 octobre dernier. Donc, tout frais, tout récent. La première piste s'intitule Pass Away. Et au retour de la pause, on s'entretient avec Michel Gagnon. Thank you. Rebienvenue à l'aérospatiale. Myriam Leland, toujours au micro, accompagnée d'Annie Charland-Thibaudeau tout au long de l'émission, comme à l'habitude. Et je suis accompagnée en studio de Michel Gagnon. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, avec moi, en studio, avec nous à la station. On avait envie de te recevoir ce soir pour parler de ton exposition « Avant d'être grutière », qui est présentée à la Galerie Lewis. C'est présenté depuis le 6 octobre dernier et on a encore un peu de temps pour la voir puisque c'est présenté jusqu'au 30 octobre aussi. Déjà, j'aimerais ça te lancer sur qu'est-ce que c'est le projet « Avant d'être grutière ». C'est un projet pour lequel tu as reçu une bourse première ovation. Je suis curieuse de voir comment ça s'articule. D'abord, merci de m'accueillir à l'émission. C'est gentil. Le projet « Avant d'être grutière » est né d'une demande de bourse à première ovation qui incluait en fait une résidence aux ateliers Silex à Trois-Rivières. Puis de là, je suis partie en exploration sur la construction d'une grue en céramique. Puis tranquillement, le projet a évolué. Puis il s'est poursuivi cet automne dans une résidence à la Maison des métiers d'art qui se termine cette semaine, en fait. OK. En même temps que ton exposition. Oui. Par contre, l'exposition va être prolongée jusqu'à la mi-novembre. Super! Mais j'ai pas de date exacte, mais je sais que c'est prolongé. Ah, ben c'est génial. On a encore plus de temps, finalement, pour aller la voir. Oui, exact. Concernant « Avant d'être grutière », tu décris toi-même ta démarche, ton travail comme naissant, a priori, d'expériences significatives que tu as vécues, des moments marquants de ta vie. Est-ce que c'est le cas aussi pour ce projet-là? En fait, j'ai l'impression que c'est toujours le cas, parce que ça fait partie de moi, puis on dirait que c'est plus fort que moi d'utiliser cette façon-là de m'exprimer en partant de trucs que j'ai vécu ou juste de comment je suis, en fait. Là, c'est très introspectif. Mm-hmm. Puis justement, quelle place occupe la grue dans cette introspection-là? Quel en est le symbole ou de quoi est-ce que c'est le symbole? On dirait que c'est un symbole qui évolue tout le temps. Mais à la base, c'était d'abord comme contemplatif parce que je trouvais ça magnifique. Puis tranquillement, ça a pris plus une place liée à la construction de soi, puis de comment est-ce qu'on se construit, on se perçoit, puis un peu de comment on s'est construit par rapport à nos parents. Là, il y a tout le temps un peu un lien avec ma mère qui est omniprésent, fait que je peux pas vraiment m'en dissocier. Puis ça revient tout le temps, en fait. Mm-hmm. Puis en sachant ça pique ma curiosité parce que le titre, c'est « Avant d'être grutière ». Donc, qu'est-ce qui marque cette délimitation-là? Parce que si la grue signifie la construction de soi, ce serait quoi le « avant » de cette grue-là? Le titre, on peut un peu le séparer du projet qui a évolué, mais en fait, c'est qu'à la base, j'ai choisi le titre au moment où est-ce que j'ai fait la demande. Mm-hmm. Puis c'est venu comme ça. Puis c'était aussi dans l'idée que le projet était une étude de comment faire une grue en céramique. OK. Fait que c'était comme un peu l'idée de faire des plans puis de comme réfléchir à comment la faire, un peu comme on étudie avant de devenir quelque chose. T'sais, comment qu'on apprend un métier avant de l'être, on doit faire de la recherche et avoir des apprentissages. Donc, ça évoque ce processus-là vers la grue, justement. Ouais. OK, c'est vraiment intéressant comment tu fais le parallèle entre l'exploration matérielle puis l'exploration personnelle aussi. C'est vraiment une exploration à deux niveaux. Oui, mais au final, les deux, ils se rejoignent parce que quand je suis en train de le faire, bien, on dirait que toutes ces idées-là sont tout le temps omniprésentes dans ma tête. Là. On dirait que ça roule tellement que c'est un peu tout le temps là ensemble, mais en fait, c'est quand même assez séparé. Je vois. Puis, l'exposition comme telle qui prend place à la Galerie Lewis, on peut voir dans la vitrine ces petites grues en céramique avec certains motifs qu'on retrouve de ton corpus d'avant, si je peux dire ça comme ça. Donc, des formes végétales, aquatiques, qui évoquent un peu des coraux, des coquillages parfois. Mais on voit aussi justement d'autres de tes corpus, donc ce gros buste avec toutes ses formes aussi, des animaux un peu anthropomorphiques, puis des gobelets aussi, des objets qui sont plus utilitaires, si on peut dire ça comme ça. Comment est-ce que toutes ces choses-là sont mises en relation dans l'exposition, à tes yeux, en tout cas? Ben, à prime abord, ça partait d'un inconvénient que j'ai dû résoudre, et qui était le trop de place et pas assez d'objets. Je vois. C'est vrai que les grues sont toutes petites en plus. Ouais. Oui, puis je pensais avoir plus de pièces utilitaires à mélanger avec. Je pensais vraiment pas apporter les bustes dans l'exposition, mais au final, je les ai amenés parce qu'il y avait comme des vides, puis il y avait des pièces que j'avais faites, mais qui finalement étaient insatisfaisantes, parce que c'est un peu c'est pas un problème, mais un peu la surprise de la céramique, là, ça sort pas comme on pense. Mm-hmm. Fait que des fois, on pense que ça va être fabuleux, puis finalement, ça sort, puis c'est décevant. Fait qu'on peut pas vraiment la présenter parce que c'est un peu... Moi, je trouve ça gênant, mais ça l'est pas vraiment. Mais tu sais, c'est comme un truc de point de vue, là, mais... Tu préfères présenter un produit qui se rapproche de l'idée que t'en avais plutôt que de présenter le processus qui mène à ça, justement. Ouais, je pense que oui. Puis aussi que j'ai pas envie... C'est comme un peu présenter une pièce qui serait brisée. J'ai pas envie qu'il y aurait un défaut, puis j'ai pas envie qu'on me rattache à une pièce qui est peut-être moins bien faite. J'ai pas envie que quelqu'un garde cette idée-là. Je comprends. Puis peut-être une dernière question en finissant l'entrevue. Comment est-ce que ce projet-là, par rapport à la forme de la grue, par rapport au symbole de la grue, comment est-ce que ça se rattache au reste de ta démarche, justement? Parce que c'est assez nouveau, comme c'est beaucoup moins naturel, si je peux dire, comme motif, étant donné que t'es toujours plus dans l'humain, l'animal, le végétal, ouais. Justement. Puis là, on a quelque chose de très urbain, de très artificiel, ou en tout cas fait de main d'homme. Effectivement. Je pense que ça peut se rattacher par certaines pièces qui ont une partie qui est plus avec des motifs organiques à la base. Il y a deux pièces qui sont comme ça. Puis sinon, je pense que ça se rattache par le fait que c'est souvent des petites pièces. Là. J'aurais voulu faire une grosse, mais on dirait que j'aime trop faire des petites choses. Fait que les petites pièces créent quand même une petite intimité qui peut se rattacher à d'autres petites pièces que j'ai faites. Mais c'est sûr que le sujet est visuellement vraiment différent. Ouais, puis au niveau de... T'as une démarche... Dans le fond, t'as utilisé pas mal la même démarche de fabrication, d'idéation que pour le reste de tes pièces. Oui, oui, ça reste un peu tout le temps le même processus. Mm-hmm. Et c'est super intéressant comme projet. Merci beaucoup, Michèle Gagnon, d'avoir été avec nous. Donc, je répète les informations rapidement. C'est l'exposition « Avant d'être grutière » de Michèle Gagnon, présentée à la Galerie Louis, pas loin de la station ici. Et ça va être présenté en prolongation jusqu'à la mi-novembre. Surveiller le site web de la Galerie Louis pour avoir des dates exactes, mais vous avez encore le temps d'aller le voir. Donc, nous, on se laisse pour une autre pause musicale avec la piste Hey Bad, et au retour de la pause, on écoute la chronique de Mai Nguyen. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatial, Myriam Leland toujours au micro, accompagnée d'Annie Charland-Thibaudeau à la co-animation. Et avec moi en studio, j'ai Mai Nguyen. Bonsoir! Hello. Donc, Mai, t'es là pour nous faire ta chronique ce soir sur l'exposition de Steve Giasson qui avait lieu au lieu. Oui. Bien sûr. Donc, l'exposition se terminait la fin de semaine dernière. Par contre, on a quand même décidé d'en parler parce que c'était une exposition qui était très riche, là. C'était comme une rétrospective sur plein de choses qui ont été faites dans la carrière et dans la dernière année spécifiquement. Puis, il va y avoir du contenu. Bien, il y a du contenu qui est disponible en ligne aussi. Exactement. Et je te lance tout de suite. Explique-nous qu'est-ce que c'est que cette exposition. Bien oui, bien parfait. Le titre de l'exposition était « Vol et bas et autres nouvelles performances invisibles ». Par nouvelles performances invisibles, ce qui est bon à savoir, c'est que Steve Giasson travaille sur ce corpus depuis au moins, je dirais, disons, un bon 5-6 ans. La première fois qu'il a fait ça, ce fut avec Dardar à Montréal. Oui. Il y avait eu une résidence de 1 an. Mm-hmm. Et il y avait un petit peu le même processus qu'il y a eu avec le lieu. Ce qui veut dire de faire des performances X fois par semaine durant 13 mois ou 12 mois, le documenter et par après avoir une exposition et présenter sa documentation, ses archives, tout en gardant un site web à jour de toutes ses performances. C'est ça, parce que si je ne me trompe pas, les performances comme telles, elles ne sont pas nécessairement faites devant public. Là. Il y a des espaces publics, des espaces privés, mais ce n'est pas quelque chose qui est promu. Ce n'est pas des gros événements là, de performances, justement. Là. Exact. La raison pourquoi elle s'appelle performance invisible, c'est que toutes ces performances, il n'y avait pas de public invité. Mm-hmm. Alors que cela se fasse dehors, même s'il y a des gens, ces personnes-là n'étaient pas invitées. Ça se faisait souvent aussi à l'intime. Oui, c'est ça. Ce qui était vraiment intéressant de ce projet, dans l'exposition, en fait, qui était présentée au lieu, c'est que c'était une sélection d'archives. C'était pas au complet. Okay. Ce que nous retrouvons sur son site web, c'est tous les titres qui, je pense, qui est rendu à 138 performances. Oh, wow, OK. C'est ça, exactement. Et ce qui a été présenté au lieu, c'était une, me semble, c'est une vingtaine d'archives photos. Mm-hmm. Et il y avait un mélange de, qui était présenté chronologiquement du plus vieux au plus récent. Ce qui était intéressant avec cette exposition, c'est que, on a pu y voir ces deux corpus. Parce qu'il dit lui-même qu'il y a eu une itération de son projet. Okay. Tout d'abord, ce fut un projet qui était plus conceptuel. C'était des énoncés poétiques, politiques, etc., conceptuels, et qu'il performait et faisait des archives. Tandis que durant sa performance, durant sa résidence au lieu, mm-hmm. c'était plutôt de la réappropriation d'œuvres, des reenactments mm-hmm. de projets passés plus ou moins connus. Et c'est vraiment là que ce qui est important, le plus ou moins connu, est la réappropriation. Parce que lui-même dit qu'il voulait donner un second souffle à son projet et avoir une teneur plus politique. OK. Car dans sa démarche conceptuelle, il questionne beaucoup les micro-interventions, mm-hmm. Il fait des infiltrations, fait des s'approprie d'autres œuvres, démocratise ses propres projets, disons, délégitimise son processus en même temps de le légitimiser. Oui, c'est disons. Ça, c'est un peu autodérisoire la pratique de Steve Giasson. Là. Exactement. Puis pour être sûr, quand tu dis qu'il se réapproprie d'autres œuvres, c'est d'autres œuvres de d'autres artistes. Exactement. Pas seulement les siennes. Non, c'est mm-hmm. ça, exact. Il est sans même, disons, aller en contact avec les artistes qui prend ses œuvres, il les prend tout simplement et il les refait. OK. Et par le fait qu'il. Ce n'est pas de la copie, puisque c'est une interprétation mm-hmm. qu'il fait. Et c'est aussi cité par. Okay. C'est toujours cité de quel performeur ou quel artiste, quel projet il fait ça. Mm-hmm. Ce qui m'était le plus intéressant dans son projet et pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'était vraiment l'aspect politique. Et, disons, l'idée de démocratiser ses propres œuvres. Car Steve Giasson, dans le pan le plus intéressant, je trouve, c'est qu'il encourage le public, qu'il soit artiste ou non, à reprendre ses œuvres à se photographier et de le lui envoyer. Faire un peu le même processus que lui-même fait avec les œuvres d'autres artistes, dans le fond. Oui. Ah. Et il dédie aussi une page complète à toutes ses photos. C'est pas juste pour, disons, une documentation puis une collection personnelle. Ils sont vraiment publiés sur une plateforme. Ça fait vivre son projet. Là. Exactement. Qui est le sien. Mm-hmm. Et ce qui m'a amené à me questionner sur, en fait, pourquoi ce projet était si intéressant et si valorisant pour les personnes qui y participaient. Mm-hmm. Parce que, disons, dans le monde de la performance, souvent, il y a des artistes ou des projets qui nécessitent l'appui d'un public actif, ouais. La participation de certains, mettons, à des actions collectives durant la performance même. Mais ça donne, enfin, à la fin de cette performance-là, un amer goût en bouche où est-ce qu'on a été un outil de performance. Mmh, comme si on a été utilisé un peu pour un produit final. Exactement. Mmh. Comme la même critique pouvait venir avec les animaux qui sont utilisés en performance. L'aspect humain, l'aspect du vivant, l'aspect du spectaculaire, du fait d'être plusieurs à participer à un projet. Et dans le cas de Steve Jasson et de ce projet-ci, c'était très bien pensé. Dans le fait où est-ce qu'il n'est jamais présent avec la personne qui fait la performance, documente et lui envoie. Toutes ces actions-là sont séparées du même temps et espace, ce qui fait que la personne qui y participe a le côté très émancipateur dans tout ça. Ouais, il y a la notion du consentement aussi qui est bien importante parce que la personne choisit de participer à ce projet-là plutôt que de seulement être présente puis d'être utilisée justement. Exactement. Et puis le rendu fini aussi, c'est elle qui décide, la photo, c'est tout de, tu sais, c'est ça. C'est de la co-création. Exactement. Et en plus, c'est que dans le fait où est-ce que Steve Jasson est quand même un artiste assez reconnu. Ça fait aussi une genre de reconnaissance des pairs quand quelqu'un participe à un projet autant grand, tu sais. Oui, c'est ça. Ça peut amener à une forme de légitimité. Exactement. Justement, une personne qui se considère pas comme une artiste, mais que là, de faire partie d'un projet de co-création, se donne le droit, enfin, de s'attribuer ce titre-là. Oui. Oui, exactement. Et puis, pour finir aussi, je voulais aussi mentionner que j'ai beaucoup apprécié les œuvres de Steve au lieu, puisqu'il y avait aussi une teneur très, disons, esthétique, qui était différente de son premier corpus. Alors, vraiment, à revoir sur son site web, toutes ses nouvelles photos, son œil, etc. Là. Alors, oui. Oui, ben merci beaucoup Maï Nguyen pour cette chronique très intéressante. Donc on invite les gens à aller au www.performance-invisible.com/fr si vous voulez y aller en français. Sinon, via le site web de Steve Jasson, il y a un onglet qui s'appelle Performance Invisible aussi que vous pouvez aller visiter, qui mène à ce site web là. Donc voir les différents paliers de ce projet qui était présenté au lieu, on le répète. Donc, nous, on se laisse pour des pauses publicitaires et au retour, on s'entretient avec Isabelle Trépanier de l'espace Parenthèse. Vous aimez la gastronomie québécoise et les artistes d'ici? Courez la chance de gagner deux lots musicaux et gourmands sur les pages Facebook et Instagram de CKRL. Commentez les publications concours et tentez de remporter une carte cadeau de $75 du restaurant Lilo Repère Gourmand à Lac Beauport. Le livre de recettes Folks and Forks pour l'amour de la bonne bouffe de Frédéric Lachance Brulotte. Ou encore un album dédicacé Le Tournant d'Amé Laoni. Envie de tenter votre chance en écoutant CKRL? Écoutez l'émission de Bouche à oreille le 27 octobre entre 16h et 17h30. Vous aurez deux chances de plus de gagner. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Vous connaissez une personne bénévole ou un organisme communautaire exceptionnel? Dites-lui merci. Présentez sa candidature au Prix Hommage Bénévolat Québec d'ici le 5 décembre. il pourrait recevoir l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Pour plus d'informations, rendez-vous au québec.ca/prix-bénévolat sans accent. Un message du gouvernement du Québec. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement à l'affiche. Ciné-Voyage présente La Suisse. Dune. Ron ne va plus. La contemplation du mystère. Morgul Mowgli. Et La vie extraordinaire de Louis Wayne. Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Maison des métiers d'art de Québec. Les productions Recto Verso. L'Aubergine. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Vous aimez la gastronomie québécoise et les artistes d'ici? Courez la chance de gagner deux lots musicaux et gourmands sur les pages Facebook et Instagram de CKRL. Commentez les publications concours et tentez de remporter une carte cadeau de 75$ du restaurant Lilo Repère Gourmand à Lac-Beauport, le livre de recettes Folks and Forks pour l'amour de la bonne bouffe de Frédéric Lachance Brulotte, ou encore un album dédicacé Le Tournant d'Amé Laoni. Envie de tenter votre chance en écoutant CKRL? Écoutez l'émission de Bouche à oreille le 27 octobre entre 16h et 17h30. Vous aurez deux chances de plus de gagner. Bienvenue à l'aérospatiale. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Trépanier, coordonnatrice de la galerie Espace Parenthèse, pour discuter de l'exposition Système joint objet masse de l'artiste Anne-Marie Groux. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Isabelle. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Et en fait, il s'agit de la première exposition de la saison d'automne qui relance votre programmation à la Galerie Espace Parenthèse. Oui. Donc, on y découvre des pièces récentes d'Anne-Marie Groux, qui est une artiste en art visuel, qui détient également une formation technique en métier d'art textile, puis qui oriente ses recherches sur la conceptualisation et la réalisation d'objets complexes qui révèlent par leur design les moyens techniques qu'implique leur production. Donc, d'entrée de jeu, en fait, pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de voir l'exposition, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ce qui nous attend en galerie? Oui, c'est en fait, c'est une dizaine de créations qui sont installatives. Dans le fond, Anne-Marie utilise des tissus, mais aussi plein de dispositifs un peu inattendus comme des fermetures éclair, bien sûr que ça c'est en lien avec les tissus, mais tu sais, il y a des fois de la quincaillerie un peu surprenante, où tu sais, elle va utiliser des drapés vraiment très techniques, mais on va y retrouver des mousquetons ou des attaches qu'on n'attendait pas là. Les tissus, il y a même aussi les structures sont montées avec des espèces de poteaux de signalisation là, avec des... Oui, c'est ça, on est dans la quincaillerie, là, vraiment. Ouais, vraiment, là, des trucs un peu rough, là, si je peux me permettre. Puis sur les tissus, il y a souvent des impressions, des motifs géométriques comme des damiers ou des lignes et tout ça. Puis les couleurs sont très, très vives. Puis il y a aussi du noir. Fait que c'est vraiment surprenant comme processus. Puis ce que moi, j'apprécie particulièrement dans cette exposition-là, c'est que tout est intégré à l'espace. Oui. Tout est réfléchi en fonction de l'espace. Puis c'est ce qui rend la chose complètement magnifique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est que on sent vraiment qu'elle nous invite à réfléchir à l'objet en couches multiples. Donc, on part vraiment de sa conceptualisation à sa production, même de sa conceptualisation à l'expérience qui en résulte. Mm-hmm. Puis ça m'a en fait en relief pour moi toute la puissance du monde du design aussi, à savoir combien la modélisation d'idées puis de concepts, c'est aussi une façon de spéculer sur le monde. Oui, absolument. Oui, puis ça m'a fait penser en fait aux réflexions des collaborateurs de l'ouvrage Speculative Everything, qui rappelle en fait que la plupart du temps, en fait, quand on pense au design, on pense en fait à la résolution de problèmes, mais c'est ça, ça nous rappelle surtout qu'on peut utiliser le design comme un moyen de spéculer sur la façon dont les choses pourraient être en créant des espaces de discussion, en inspirant puis en encourageant les gens à laisser libre cours à leur imagination. Puis pour moi, il y a de ça, en fait, dans la poésie des objets textiles modulables d'Anne-Marie, d'autant plus dû à la dimension évolutive, en fait, du projet, parce que, en fait, j'aimerais peut-être t'entendre davantage là-dessus, sur l'aspect évolutif, parce qu'on peut lire sur le site de la galerie que l'artiste se représente tous les jeudis de l'exposition en soirée, oui, puis que certaines œuvres sont créées sur place. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Oui. Bien, en fait, il y a déjà des œuvres qu'Anne-Marie a réfléchies en fonction de l'espace, tu sais, avant l'exposition et tout ça. Mais tous les jeudis soirs, elle est présente à la galerie pour pouvoir rencontrer les visiteurs. Donc, elle est là de 16h à 20h45, c'est à la fermeture. Mm-hmm. Puis, tu sais, le but premier, c'est rencontrer les visiteurs, mais oui, c'est aussi de poursuivre la création. Donc, mm-hmm, elle est là avec sa machine à coudre, puis elle continue sa réflexion en s'imprégnant de l'espace. Tu sais, pas en passant toutes ces heures-là dans la galerie, elle s'imprègne de la circulation dans l'espace, des éléments architecturaux, les éléments un peu étranges qu'il y a aussi dans cet espace-là, là, pour ceux qui sont déjà venus. Oui. Donc, elle continue de réfléchir puis de créer sur place. C'est que ça rend l'exposition évolutive et vraiment intéressante encore plus. Oui, puis en fait, est-ce que depuis l'ouverture de l'exposition, est-ce que ça s'est déjà produit? C'est l'exposition ouverte au public, en fait, le 18 octobre, donc c'est déjà passé une soirée comme ça, là. Oui, c'est ça. Elle a déjà commencé. Elle s'est installée jeudi dernier avec sa machine à coudre dans l'espace. Oui. Puis elle a ajusté des choses. Elle a fait déjà des créations nouvelles. Tu sais, c'est pas nécessairement des grosses pièces, mais elle va faire des ajustements. Elle va rajouter des petites choses. Même lors du montage, c'est arrivé, il y a des pièces qui n'existaient pas quand elle est arrivée sur place, qu'elle a créées puis qu'elle a intégrées à l'espace. Je sais pas si tu as pu remarquer, mais sur les prises de courant entre autres, elle a rajouté comme des petits chouchous. Oui. Puis des choses comme ça, c'était pas prévu. C'est super intéressant comment c'est adapté à l'endroit. Ben oui, c'est ça, je me posais la question à savoir à quel point, en fait, la réflexion avait été faite en amont ou s'il y avait des éléments, justement, qui avaient pris forme plutôt dans le montage de l'exposition. Parce que comme tu... C'est ça, c'est un peu les deux qui cohabitent. C'est une exposition qui était prévue en avril 2020. Oui. Ça fait déjà plusieurs mois qu'Anne-Marie a l'occasion de réfléchir à ce projet-là. Puis c'est un projet qui a vraiment beaucoup évolué depuis le début. Réfléchi à l'espace, elle a réfléchi à son projet aussi. C'est un projet qui n'est plus du tout le même, mais qui a quand même une ligne directrice, là, on s'entend. Mais ça lui a permis vraiment de s'adapter au lieu, puis de créer en amont des choses qui vont s'intégrer à l'espace. Comme on pense aux colonnes, il y a trois grosses colonnes dans la galerie. Elle a des œuvres qui sont entourées autour des colonnes. Mais aussi, quand elle est arrivée sur place, elle a vu des petits détails, puis elle fait c'est attaché à ces petits détails-là pour rajouter des choses. Et c'est des touches vraiment intéressantes. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ma pièce préférée, c'est celle qui est à la fois dans la vitrine. Oui, tout à fait. Qui s'étend jusque dans l'espace. Puis je trouve tellement que c'est une belle utilisation du lieu, là. Ça vaut la peine d'être vu. Oui, puis c'est ça, c'est qu'en fait, c'est comme tu le mentionnes, là, elle a vraiment très bien utilisé toutes les spécificités du lieu, puis tu faisais référence à ces œuvres-là qui sont installées près des colonnes en béton, qui viennent, c'est vraiment une architecture particulière, là, ça vient créer des corridors, en fait, de circulation dans l'espace, puis elle vient les ceinturer, en fait, avec des œuvres qui sont plissées, des œuvres qui sont tombantes. Moi, c'était la première fois que je voyais une intervention là, de ce genre-là dans la galerie. Puis aussi, oui, tu parles de cette œuvre-là, en fait, qu'on voit à partir de la vitrine. Puis, en fait, elle m'intéressait aussi beaucoup à cause des motifs. Parce que c'est une démarche, en fait, comme on le mentionnait tout à l'heure, où, en fait, tous des objets révèlent la profondeur puis la complexité de ses recherches. Parce que d'une part, justement, ces motifs-là, des tissus dans lesquels on a l'utilisation du quadrillage qui est récurrente, pour moi, ça venait éveiller un peu des considérations spatiales plus théoriques. Ça peut nous renvoyer au repérage spatial, voire même à la topologie aussi, parce qu'on est dans le jeu de la déformation. Donc, il y a ça qui se crée, mais ça nous renvoie bien sûr aussi encore au monde du design, au monde des patrons textiles. Puis d'autre part, bien, on fait l'expérience de la qualité sensorielle de l'objet. Parce que, ben en fait, grâce à sa matérialité, soit les textures, puis l'aspect plissé qui invite au toucher, qui invite à la proximité. Donc, c'est une recherche qui, pour moi, est très, très complète, là, une recherche de l'objet dans tout ce qui est multicouche, puis dans toute sa complexité. Oui, absolument. Oui, c'est pas... c'est très agréable à regarder, mais quand on commence à y réfléchir, ça amène plein de questions puis de réflexions. C'est ce qui rend l'expo vraiment intéressante, je pense. Oui, on sent qu'il y a vraiment, je l'ai mentionné en début d'entrevue, en fait, qu'elle a une formation technique aussi en textile. Donc, on sent que sa sensibilité en fait envers le savoir-faire, mais aussi sa spécialisation en construction de textile traditionnel comme assisté par ordinateur, en fait, qui lui offre un bagage qui est assez solide pour développer une réflexion, justement, qui est en profondeur comme ça. Oui, absolument. Puis, j'aimerais peut-être t'entendre sur... Tu dis que c'est une exposition qui était prévue pour déjà avril, tu as dit avril 2020, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, j'aimerais peut-être t'entendre sur le processus de sélection ou d'invitation qui est derrière cette collaboration-là, en train de Marie-Groupe Laguerre, espace parenthèse. Bien, dans le fond, c'est ça. Comme je disais, c'est une expo qui était prévue en avril 2020. Donc, elle avait été sélectionnée l'année précédente avec appel de dossier et tout ça. Mais comme je disais, tu sais, c'est un projet qui a eu le temps d'évoluer vu qu'il y a eu comme 18 mois entre les deux. Ouais. C'est sûr que, tu sais, quand on choisit des projets comme ça, puis là, tu sais, je parle pour moi, ça se passe aussi avec un comité, mais moi, comme commissaire, ce qui m'attire dans un projet comme ça, c'est comment l'artiste est capable de s'adapter à l'espace, puis comment il réfléchit son projet avec la spécificité du lieu. Tu sais, c'est un projet qui pourrait très bien être installé dans un autre lieu puis être une expo complètement différente. Tout à fait. Ça, moi, ça me charme toujours un peu. Je trouve ça vraiment intéressant, un artiste qui s'adapte au lieu où il va puis que ça paraît dans sa proposition. Puis, tu sais, c'est définitivement quelque chose qui nous a charmé quand on a choisi ce projet-là au départ. Puis là, avec toute l'évolution que ce projet a subie, malgré tout, là, tu sais, faut le dire, c'était pas le fun là, de devoir l'annuler, mais ça l'a apporté quelque chose de bon dans l'évolution du projet, puis tout ça, moi, ça me rend très, très heureuse de repartir la programmation avec ce projet-là. Ah oui, c'est vraiment une magnifique exposition pour démarrer la saison. Puis en fait, on rappelle aux auditeurs, aux auditrices que l'exposition donc se poursuit jusqu'au 12 novembre. Puis on invite peut-être tout particulièrement là, les visiteurs à se présenter le jeudi à compter de 16h pour rencontrer Anne-Marie sur le lieu. Oui. Et merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été avec nous ce soir. Puis ça me fait toujours plaisir. Oui, ben à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bye. Nous, on se laisse pour une pause audio avec la piste Fall Off. Et au retour de la pause, c'est déjà l'agenda de la semaine. Always wrong, but feeling so right. Rebienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro, accompagnée d'Annie Charland-Thibaudeau qui nous a offert une super entrevue avec Isabelle Trépanier juste avant la pause audio. Et c'est déjà ce moment de l'émission où on vous fait une petite agenda de la semaine. Donc, grande nouvelle cette semaine, après 18 mois de fermeture, on célèbre enfin la réouverture du complexe Méduse avec une grande fête qui se tiendra du 29 au 31 octobre prochain, donc en fin de semaine. Au menu, vernissage et visite des locaux de l'atelier de la mezzanine, Avatar, la bande vidéo, Engramme, Œil de poisson, Manif d'art, Recto verso, Spira et Vue. Et pour obtenir l'horaire détaillé des activités de l'événement et connaître les artistes qui seront en vedette, rendez-vous sur la page Facebook de Méduse. Mais en résumé, qu'est-ce qu'on peut trouver, Annie? Oui, ben d'abord, il y a le Centre Vue qui présente l'exposition collective « Être au monde » qui regroupe les artistes suivants. Donc, on a Stéphanie Béliveau, Les Entêtés, Martin Bureau, Stanley Février, Patrice Fortier, Cynthia Johnston, Arcadie Lavoie-Lachapelle et Lydia Mesto-Cocho-Paradis. On pourrait également y découvrir l'installation « État des choses » de l'artiste Lucie Rocher. Chez Recto Verso, on présente l'installation vidéo « Le monde et la machine » de Jean-François Côté en co-présentation avec Spira et l'installation vidéo « 110 Holstein » de Magali Babin et Laura Gonsalves. Oui, puis du côté du Centre Engramme, en fait, on ouvre les portes de l'exposition « Les nouveaux monuments » de Guillaume Brisson-Darvaux. L'atelier de la mezzanine nous invite à une exposition collective de ses membres. La bande vidéo accueille Côté droit en angle égaux, Room of an Eternal Beauty Fix, d'Annie Baillargeon. L'œil de poisson nous dévoile une exposition d'Éloïse Plamondon-Pagé qui s'intitule « Ce qu'il reste des vagues, la naissance d'une île » et Éloïse, on la recevra la semaine prochaine pour parler justement de cette exposition-là. Et chez Avatar, en fait, on présente Passage Olympia de David Bernatchez, Quatre silences, Trois soupirs d'Anne-Marie Bouchard et Feu à l'Olympia de Jérémy Peter Allen, ce qui reste toutefois à confirmer. Chez Manif d'art, on dévoile l'exposition Cathédrale de Josiane Roberge et on procède au lancement du catalogue Première Ovation en présence des artistes boursiers. C'est exact. Puis également, en fait, depuis le 20 octobre dernier, du côté du parc de la Maison O'Neill, est apparue une toute nouvelle installation d'art public du duo Cook-Sasseville. Il s'agit d'une initiative qui est présentée par Québec BD dans le cadre de la programmation Québec animé de la Ville de Québec. C'est l'œuvre Le Fruit maudit qui habitera le parc jusqu'à la mi-décembre. Il y a également ce jeudi au Café Librairie Saint-Suave qui se trouve sur le boulevard Charest un visionnement d'un film d'horreur qui est organisé par nos amis d'Alès de vos empires. Dans le fond, tout le long du mois d'octobre, il y a une personne qui étudie à la maîtrise en histoire de l'art sur le cinéma d'horreur qui proposait deux films par semaine regroupés sous une seule thématique. Et la dernière semaine, la thématique était la maternité. Donc, proposait deux films, Rosemary's Baby et Hereditary, qui va être en visionnement ce jeudi au Saint-Suave, comme je disais. Puis, après le visionnement du film, il y aura un enregistrement d'un podcast d'Alest au sujet de ce ciné-club-là, qui était un très beau projet, très démocratique d'Alest, là, qui ramène l'art dans le quotidien avec le cinéma d'horreur. Ouais, c'est un beau rendez-vous. Puis, en fait, c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Donc, un grand merci à nos invités Michel Gagnon et Isabelle Trépanier, ainsi qu'à notre chroniqueuse de la semaine, Mai Nguyen. Et on se laisse sur une dernière piste de l'album Pétunia du duo Ton Start Band. Et on se dit à la semaine prochaine! When you don't feel like something, looking to breathe into gradual nothing. Days go by with nothing for you. Though we miss, I know now I'd need love. L'amour, c'est facile à faire. Mais c'est dur à donner. Déjà trois petits et un autre en noué. L'amour, y en a jamais trop. Je passerai ma vie à leur faire des bébés. Déjà deux marines, ce sera pas le dernier. Les yeux, c'est fait pour rider, les femmes pour quitter. Mais les hommes, c'est comme les flots, faut s'en occuper. Les cœurs, c'est fait pour briser, les enfants pour aimer. Les oiseaux pour s'envoler, on fuit la mort. On suit la mort. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Avant, pour traverser la vie, j'avais la patience. Au paradis, faut pas que l'on devance avant. On était bien ici. Avant le silence, le coup de poing de son absence. Et quand il est arrivé, un rayon de lumière au creux de l'hiver. Pendant deux semaines à peine, il était le monde entier. Les cœurs, c'est fait pour briser, les enfants pour aimer. Les oiseaux pour s'envoler, on fuit la mort. L'oiseau s'est envolé. S'il y a une chose que je sais, c'est que rien de si beau n'est fait pour durer. Y a des pingouins, y a des requins dans la mer. 89.